Chapitre 20e. Nouvelles déprédations. Jean-Patrick Séverin était heureux. La fille que Madriel lui avait envoyée était vraiment une bonne surprise. Elle lui avait plu dès le départ, sans qu'il sache très bien pourquoi. Cette satisfaction n'était pas uniquement due au petit bonus qu'elle allait lui verser, même si cela allait grandement améliorer son ordinaire. Il avait tout de suite compris à qui il avait affaire. Le premier contact avait été décisif. Les exercices, une simple confirmation. La fille était brillante. Ce serait donc un plaisir de la faire travailler. Le petit arrangement était parfait, car 4 heures seraient largement suffisantes. Avec un niveau pareil, il se demandait bien ce qu'elle faisait autour d'elle, alors qu'elle aurait pu intégrer sans problème n'importe lequel des grands lycées parisiens. Et même là, elle aurait encore pu en remontrer à certains. À elle de disposer à sa guise des 4 heures de liberté négociées. Jean-Patrick Séverin lui céderait sa salle de bain pour se changer, car il était impensable qu'elle se trimballe en ville avec son uniforme si ringard des tournelles. Pourtant, c'était un comble, il lui seyait plutôt. D'ailleurs, à bien y réfléchir, il aurait pu être tout à fait acceptable si le blazer n'avait pas arboré un écusson si énorme sur le sein droit. Là n'était pas le pire. Si les filles héritaient d'une jupe bleu marine plissée assez ample, qui devait impérativement descendre jusqu'au mollet, ce qui était somme toute assez banal, les garçons devaient obligatoirement porter le bermuda, même en hiver, et ceci jusqu'en 3e, le port du pantalon n'étant autorisé que lors de l'entrée en seconde. Jean-Patrick Séverin ne s'était pas privé de faire une remarque au sujet blazer, quand il avait vu Madrier la fois suivante. Celui-ci avait souri. Mais Jean-Patrick Séverin avait bien senti que Madrier n'était pas disposé à changer quoi que ce soit. Lors du second cours avec la fille, il lui avait conseillé de se procurer un imper et un jean. Ainsi, on pouvait plus facilement la prendre pour l'une des habitantes de l'immeuble qui avait à peu près sa taille. Elle avait visiblement apprécié le conseil. En revanche, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle s'était également procuré une perruque blonde qui la transformait complètement. C'est seulement alors qu'il avait remarqué combien elle était belle, avec ses magnifiques cheveux sombres. Il fut presque triste qu'elle ait à les cacher. Ils avaient déterminé ensemble qu'elle devait revenir 10 minutes avant la fin supposée du cours. Elle devait alors se changer, puis il la raccompagnerait ostensiblement à la porte. Ainsi, si quelqu'un des tournelles était dans les parages, et Madrier était assez retors pour le faire, il pouvait tout à fait vérifier l'effectivité du cours. Une fois tous les détails réglés, les séances se mirent en place. Des mathématiques que la fille maîtrisait parfaitement, ils étaient passés à la physique et il n'avait pas été long à lui montrer comment ne pas tomber dans des pièges subtilement tendus. Elle avait choisi de tomber délibérément dans certains, car, lui avait-elle calmement expliqué, elle ne voulait pas donner trop d'indications sur son niveau réel. Jean-Patrick Séverin l'avait admiré, car il n'était pas sûr qu'il y aurait pensé, même s'il ne voyait guère, pour le moment, où elle voulait en venir. Cette fille lui paraissait pleine de secrets, de ceux qui attirent immanquablement la curiosité. Peut-être qu'avec le temps, elle accepterait de se livrer un peu. Alors, au 4e cours, il avait craqué. Il lui avait demandé ce qu'il lui avait valu de se retrouver aux tournelles. À sa plus grande satisfaction, et signe indubitable qu'elle commençait à lui faire confiance, elle n'avait pas éludé la question. Finalement, il fut presque déçu par la réponse tant elle était évidente. Elle n'avait fait que suivre la voie de papa. Comme quoi, décidément, certains parents en tenaient une couche. Heureusement, les tournelles ne l'avaient pas esquinté, mais cela relevait presque du miracle. En tout cas, il fut surpris qu'elle ne montre aucun signe d'amertume. Elle avait même presque l'air de s'y plaire. Il se demandait bien comment, car pour sa part, il n'aurait jamais pu tenir, même avec Madrier comme directeur. Dutilleul, sans bien savoir pourquoi, voulait voir la serre. Aussi s'y rendit-il l'après-midi même. Il n'eut aucun mal à trouver l'endroit qui avait été sommairement bâché. Sa carte de police lui permit d'examiner les lieux à loisir. Il se fit accompagner par le gardien, car il voulait recueillir son sentiment. L'autre, comme s'il guettait un signal, ne se fit pas prier. « C'est du pur vandalisme. Les vitres étaient une commande spéciale. On les attendait depuis 6 mois. Vous n'avez rien vu ? Ben en fait, je n'étais pas présent. On avait déposé un mot dans ma case. Le directeur me donnait ma soirée. Pensez, je ne me suis pas méfié. C'est déjà arrivé. Je suis donc rentré chez moi, comme d'habitude. J'habite en banlieue sud. Ma femme était contente de me voir. Je me rappelle qu'il faisait si beau qu'on a dîné dehors. C'est curieux comment on peut se rappeler des fois. Quand avez-vous découvert le massacre ? 2 jours plus tard, en reprenant mon service. Monsieur Durieux était en vacances et le toine avait reçu la même note que moi. C'est pour ça qu'il n'était pas venu la veille. À la différence de moi, il n'a pas gardé le mot, mais c'est un bon gars. Il n'aurait jamais fait une entourloupe pareille. Surtout qu'il s'y connaît en plantes. Pour lui, ce boulot, c'est un peu le paradis, car il aime bêcher, tailler, planter. D'ailleurs, quand il l'a su, Monsieur Durieux ne nous a fait aucun reproche. C'est vous dire s'il nous connaît. Quelle a été sa réaction ? Je crois qu'il était vraiment choqué. Pensez, il y avait des éclats d'air partout. Je crois qu'il était soulagé qu'aucun de nous ne soit blessé. Pour le reste, il n'arrêtait pas de demander pourquoi. Personne n'a rien entendu. Si, une vieille. Seulement, tout le monde sait qu'elle est un peu toquée, alors on n'a pas trop écouté. Puis ce n'était que du matériel et les policiers qui sont venus n'ont pas eu l'air très concernés. La vieille, vous connaissez son nom ? Non, mais elle traîne souvent dans le coin, même si je ne l'ai pas vue depuis quelque temps. Est-ce qu'il y avait des visites organisées ? Non, absolument pas. C'est un domaine privé et les Durieux fuient toute publicité. Contenait-elle des plantes précieuses ? En dehors de 2 ou 3 orchidées qui n'ont pas été touchées, non. Cette serre ne donne pas sur la rue. Qui pouvait connaître son existence ? Là, vous m'en demandez trop. Peut-être que M. Durieux... Savez-vous si je pourrais le rencontrer ? Eh bien, c'est quelqu'un de très pris. Mais si vous avez encore 5 minutes, il ne devra pas tarder. Il passe ici chaque matin. En attendant, on peut peut-être continuer la visite. La visite continua. Dutilleul vit encore ça et là des bouts de verre oubliés. Il n'avait aucun mal à imaginer à quel point les lieux avaient été dévastés. Tout comme le propriétaire du lieu, il ne pouvait s'empêcher de se demander à son tour pourquoi. Cela ressemblait à un jeu sinistre, car la serre, qui datait probablement de la fin du 19e, était certes très belle, mais elle n'avait rien d'exceptionnel. Comme l'avait annoncé le gardien, M. Durieux ne fut pas long à arriver. C'était un homme assez âgé, assez grand et très maigre. Il portait un costume sombre qui n'était pas tout jeune. Sa démarche était assez raide. Les yeux, en revanche, étaient étonnamment bleus et semblaient presque déplacés dans le visage profondément marqué. Une fois informé par le gardien, Durieux ne fut pas long à s'approcher et il salua courtoisement Dutilleul. Vous venez constater les dégâts. Cela n'a vraiment aucun sens. C'est une bien belle serre que vous avez là. C'est vrai que je l'aime bien. Elle est dans la famille depuis longtemps. Pour moi, elle est remplie de souvenirs. Donnez-vous parfois des réceptions ? Le lieu est agréable. Eh bien non. Une de mes petites nièces voulait l'utiliser pour son mariage. Mais j'ai refusé et j'ai tenu bon. C'est un lieu de culture ici, pas un jardin d'agrément. Puis cela aurait demandé trop de déménagement. C'était vraiment trop de tracas. Connaissez-vous l'institution des Tournelles ? Non, pas vraiment. Je sais seulement que c'est un établissement privé dont la réputation n'est pas très bonne, mais je n'y ai jamais eu affaire. Organisez-vous parfois des visites ? Oui, c'est arrivé dans le passé. Du moins quand ma pauvre sœur était encore en vie. Elle était très impliquée dans le domaine associatif et elle n'aimait rien de plus qu'organiser des week-ends portes ouvertes. Moi, cela m'a toujours barbé, car j'aime mon intimité. Je sais bien que je suis égoïste, mais c'est ainsi. J'en avais marre de devoir toujours nettoyer derrière des gens que je ne connaissais même pas. Ma sœur avait beau promettre, c'était à chaque fois la même chose. On retrouvait toutes sortes de déchets dans les bacs. L'atmosphère était à chaque fois empuantie par le tabac. Il fallait ensuite des semaines pour que l'odeur s'en aille. Je ne parle pas de la vaisselle brisée, des serviettes sales disséminées un peu partout. À chaque fois, la serre ressemblait à un champ de bataille. Des fleurs étaient coupées. On retrouvait certaines gisantes au fond d'un verre à champagne. On m'a aussi volé des plantes. Les gens devaient penser que cela faisait partie de la décoration et qu'ils pouvaient l'emporter en souvenir. Naturellement, ma sœur a toujours payé pour la remise en état des lieux. Mais certaines plantes étaient irremplaçables. Alors, quand elle a voulu à nouveau organiser quelque chose ici, j'ai refusé tout net, et je n'ai rien voulu savoir même si elle était très déçue. C'est pour ça aussi que, quand j'ai découvert le massacre, j'ai cru un instant que ma petite nièce s'était vengée. Mais quand je l'ai vue aussi affectée que moi, tous mes soupçons se sont évaporés. Pourtant, c'est un endroit un peu retiré qu'il faut forcément connaître. Oh, je ne serais pas surpris qu'une des connaissances de ma sœur ait fait le coup. Il lui est arrivé, hélas, de fréquenter des gens plus que louches, qui se moquaient ouvertement d'elle, quand on a de l'argent. Heureusement, son mariage y a mis bon ordre, car son mari, un type très bien, ne s'en laissait pas compter. Il a proprement mis tout ce beau monde à la porte, souvent sans mettre la moindre forme. En plus, il adorait cet endroit.